Chapitre 3e. Le soir tombe vite sur la Riviera. Il en tue le charme brutalement, comme un été noir. Tous en deuil, en ces pays de soleil, dès que le soleil est mort. Le froid prend sa revanche et les poètes qui veulent errer sur le rivage pour compter les étoiles dans l'eau attrapent des rhumes. À Coriza, il n'y a guère de rimes riches. Tautru et Bimouillet n'étaient point poètes, mais ils étaient à jeun. La sournoise fraîcheur de la nuit méridionale les saisit, aussitôt débarqués, et doucha leur enthousiasme. La horde croissante des pisteurs d'hôtels s'abattant sur eux au seuil de la gare acheva de les démoraliser. En grimpant vers le casino à travers l'amphithéâtre des jardins, ils avaient l'âme si désenchantée qu'ils comparèrent amèrement ce coin délicieux au populaire labyrinthe des buttes Chaumont, ce qui était proprement une comparaison impie. Mais notre estomac est notre maître, et pour l'homme affamé, il n'est paradis qui vaille, à moins qu'une enseigne d'auberge ne s'y balance. C'est pourquoi, parvenus sur l'esplanade et Félon, par soumission à leur guenille, au solennel programme qu'ils s'étaient fixé, ils entrèrent au café de Paris au lieu de gravir tout de suite les marches du temple de la fortune. L'élégance des dîneurs attablés dans le hall, la rutilance des ors répandus sur les murs, l'éclat des nappes calamistrées, des cristaux, de la vaisselle, l'allure majestueuse des maîtres d'hôtel glabres, sanglés dans le frac, le recueillement muet, presque religieux, de tant de personnes appliquées à se nourrir selon les rites du bon ton, tout cela galvanisa de stupeur et de honte messieurs Tautru et Bimouillet, qui prenaient à l'ordinaire leur repas sur une toile cirée à carreaux rouges et blancs, en compagnie de cochers de fiacre bavards. « On n'aurait pas dû laisser notre mal en consigne, » murmura Bimouillet. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on se serait habillé avant de mettre les pieds ici, parbleu. C'est toi qui as voulu la laisser en consigne, moi ? Oui, toi ?» On les regardait. Leur accoutrement, l'animation où les jetaient leurs querelles, le contraste réjouissant qu'offraient ce chevalier carême et ce Silène Rougeot, mettaient en joie le café de Paris. Ils n'en avaient cure et continuaient de se chamailler. Mais un garçon, hypocritement obséquieux, leur ayant proposé une table libre et placé la carte sous le nez, ils tournèrent les talons et s'enfuirent, écrasés de confusion. Dehors, la vue des carabiniers du prince, casqués de feutre bleu et pareils à des ouvreurs de portières des magasins du Louvre, le spectacle inattendu de boulingrins emmaillotés dans des bâches et l'attitude singulière qu'atteignaient les caoutchoucs détournèrent heureusement le cours de leurs idées. À considérer la sérénité des fonctionnaires, le paresseux engourdissement des jardins et la paradoxale fantaisie des arbres à jarretières, ils retrouvèrent leur calme. Les fortes émotions sont salutaires aux nerveux. Elles les exaspèrent ou les apaisent. Elles les changent toujours d'état. Tautru et Bimouillet se trouvèrent apaisés et du coup se sentirent coupables de forfaiture envers leurs vœux. Bimouillet, clignant de l'œil, esquissa un geste péremptoire de sergent instructeur. Point de direction. Il montrait la façade illuminée du casino. Obéissant, Tautru courba les épaules et fouilla dans ses poches. Il s'agissait d'abord d'obtenir l'entrée des salles de jeu. Un tas de papiers était indispensable. Il les possédait tous, soigneusement épinglés. Pour Bimouillet, un insurmontable obstacle surgit. Bimouillet avait oublié ses parchemins à Paris et ne pouvait produire d'autre attestation d'honorabilité qu'un ticket d'autobus de 15 centimes de la ligne AG Porte de Versailles-Bourse. Les préposés à la délivrance des cartes jugèrent que c'était insuffisant et prièrent M. Bimouillet avec courtoisie de n'y point revenir. Il ressentit encore moins de colère du refus que d'entendre un quidam sur son passage le traité d'humoriste. Il cambra le torse devant cet insolent et le jeta en pleine figure. « Je suis comptable, monsieur !» Mais l'autre s'égaya davantage et Bimouillet en fut pour sa révolte de dignité. Atterré, furieux de sa négligence, cinglé par les sarcasmes de Tautru, il accompagna son triomphant camarade jusqu'à l'entrée du paradis. Tautru allait pénétrer sous les voûtes scintillantes, irruptées entre les hautes murailles chargées de moulures, aux souris des dames de Georges Clairin, à la dernière mode de 1884, quand Bimouillet humblement lui proposa cette convention. « Mon vieux, puisque je ne peux pas entrer, je ne saurai pas ce qui se passe. Alors écoute. Tous les quarts d'heure, tu sortiras et tu viendras me renseigner. Si je ne te vois pas, ça voudra dire que tu gagnes. Alors je serai tranquille. D'ailleurs, je le suis déjà, tranquille. T'es forcé de le gagner. ou faut-il que je t'attende ?» Le monsieur en jaquette qui s'apprêtait à pointer la carte de Tautru daigna indiquer l'atrium comme un lieu confortable, tiède, joli et tout à fait idoine aux longues expectatives. « L'atrium ?» questionna Bimouillet. « Où c'est-il, l'atrium ? Vous êtes dedans ?» Et Bimouillet, s'affalant sur une banquette, admira la roublardise des gens qui avaient baptisé d'un vocable si pompeux un quelconque vestibule où rien n'était romain, ni le bar, ni les WC, ni le vestiaire, ni le tableau des cours de la bourse. À ce moment-là, il était exactement 9 heures. Bimouillet suivait passionnément la grande aiguille de l'horloge dans sa course. À chaque progression de la mince flèche noire, il tressaillait, et son rêve, franchissant l'espace, perçant les murs, empilé dans les mains de Tautru, des louis sur les écus sur les louis. 15 minutes s'écoulèrent en cette fièvre. À la 16e, Tautru ne parut point, et la grande aiguille commença de dévorer un nouveau morceau du cadran. La face rose de Bimouillet s'épanouit. Il se frictionna vigoureusement les pommes, passa ses doigts satisfaits dans sa chevelure absente et promena alentour un coup d'œil vainqueur. « Ça va, ça va. » L'atrium lui parut plus sympathique, plus digne d'un qualificatif rare, et avec la complicité d'une glace qui lui faisait face, il rectifia d'un geste léger la position de sa cravate. 9h31, pas de Tautru. 9h32, pas de Tautru. D'après leur convention, il n'était un Ismayeur d'une chance persistante. Au moyen de quelques rapides calculs mentaux, Bimouillet ne douta pas qu'à l'instant présent, Tautru devait avoir au moins triplé leur pécule. Une joie profonde l'envahit. Il connut cet équilibre heureux que donnent les réalités lorsqu'elles atteignent à la mesure de l'espoir, et l'abolition des affres morales lui ayant rendu la pleine conscience de son délabrement physique, il fut, de réchef, tenaillé par la soif et par la faim. Toutefois, par un excès de scrupule, il résolut de patienter un quart d'heure encore. La grande aiguille rattrapa, puis franchit la petite, que Tautru ne se montrait toujours pas. Bimouillet, à bout de stoïcisme, céda au bâillement qui lui désarticulait la mâchoire. Il sortit, se jurant bien de rester à proximité du casino et d'y revenir, de 15 en 15 minutes, afin que Tautru, s'il surgissait enfin, ne pût l'accuser de désertion. La rigueur inusitée de la température avait chassé les plus intrépides noctambules, et Bimouillet se trouva solitaire au bas du perron, sous la clarté crue des lampes à arc. La lumière le frappant verticalement, il n'avait même pas son ombre pour lui tenir compagnie. Des formes massives, encapuchonnées, erraient bien alentour, mais rien n'est aussi peu cordial que la présence des gardiens de l'ordre une fois le soleil couché. Rébarbatifs par devoir pendant le jour, leur insociabilité s'accroît la nuit de leur mauvaise humeur de déambuler en plein vent, alors que les autres citoyens ont loisir de s'étendre à plat dos et de sonner du cor avec leur nez. Parbleu, Bimouillet n'avait nulle envie d'engager la conversation avec la force armée du prince Albert. Il n'était pas persuadé d'ailleurs que ces militaires d'un état étranger entendissent très bien le français. Ce qu'il lui demandait, s'il l'avait osé, c'était simplement le moyen de souper le plus près possible du casino, sans être obligé de recourir à la cuisine du grand café. Mais il n'osa pas. Soudain, fulgurante, la préoccupation de l'heure traversa son esprit en désarroi. Il fit demi-tour, remonta les marches au pas de charge et se réengouffra dans l'atrium, au moment précis où l'horloge marquait 10h15. Un ouvre de soulagement s'échappa de sa poitrine oppressée et il se planta aux aguets devant la sortie des salles de jeu. Tautru n'apparut pas. Alors Bimouillet abandonna sa faction et d'un pas solide, avec l'irrésistible assurance des riches, il alla tout droit au grand café. « L'animal » monologuait-il, « quand je pense qu'il hésitait, quand je pense qu'il avait peur de perdre. » On l'avait vu humble, gauche, clignotant, effaré. On le revit crâne, décidé, la prunelle vive, le ventre en bataille. Et les garçons qui le reconnurent se poussèrent du coude. « Zut, le petit gros, qui vient de gagner. » Voisin de la maison des miracles, ils sont accoutumés à de telles métamorphoses de mime et d'allure chez les clients. Bimouillet fut tout de suite entouré des gars, mais il était superflu maintenant qu'on l'incita à consommer. « Je veux ce que je veux et je m'appelle moi », semblait proclamer son rose visage rayonnant de bonheur comme un beau fruit mûr qui réfléchit le soleil. « Donnez-moi le programme. » À cette fine plaisanterie, le garçon daigna sourire. « Ah » remarqua-t-il respectueusement, en déposant le menu sur la nappe. « Monsieur est de Paris ?»« De Paris, oui, mon vieux, tu l'as dit, et... » Averti par un sûr et mystérieux instinct, Bimounet s'arrêta net, la bouche ouverte, pour d'autres jovialités qui ne vinrent pas. « Comment côtoie facilement la gaffe quand on manque d'entraînement ?» Sa conviction de n'être plus un gueux datait de si peu de temps qu'il n'avait pas encore pris une très ferme conscience de son ascension, ni de l'attitude nouvelle qu'elle lui imposait vis-à-vis de ses anciens égaux. Ainsi, les officiers de fortune, promis à la pourpre impériale, sont obligés de se mordre la langue pour ne pas tutoyer leurs aides de camp. Penché sur la carte, Bimouillet éprouvait le même malaise qu'à la lecture du livret-chais. Sous couleur de faciliter votre choix par la précision technique et le luxe des indications, de tels documents, œuvres d'ironistes féroces, aggravent toujours les transes des malheureux qui les consultent. Il ne les arrache au frisson du doute que pour les jeter pantelants, désorbités, dans une sorte de vertige. Du potage Hermine au potage Bringation, en passant par celui aux trois racines, Bimouillet errait, affolé, cherchant une brave soupe au nom familier. S'inquiéter de la composition de ces mots mystérieux, il ne le pouvait, sous peine de déchoir. Il décida de ne point prendre de potage, mais des pièges semblables le guettaient aux entrées, aux rôtis, aux légumes, aux entremets, aux desserts. Partout l'hermétisme des appellations renouvelait sa torture. Côtelet de homard à la Puebla, gigot de 7 heures, l'apéro petit diable et ses toréadors qui étaient un légume, et ses cigarettes orientales qui en étaient un autre. Condé, soubise, solferino, chantilly, la pompadour, une débauche d'étiquettes ronflantes remuait dans le 10e dessous de la mémoire de Bimouillet les vieilles alluvions de la primaire, et il était triste, triste, de ne plus se souvenir de l'histoire de son pays. « Je suis riche, mais je suis un âne. » Il éloigna de ses yeux le menu, ayant avalé jusqu'à la lie ce calice d'amertume, et d'une voix lasse, il commanda un bouillon gras, un bœuf nature, une salade de mâche et un camembert. L'épreuve qu'il venait de traverser avait éteint sa superbe. Il ne se retrouva d'aplomb qu'en étudiant le chapitre des vins. Là, du moins, les mots lui disaient quelque chose. Un petit chablis moutonne, à 12 francs la bouteille, lui parut désirable, ainsi qu'un courton 1912 à peine plus cher. Bimouillet avait toujours eu un faible pour les Bourgognes, pour les champagnes aussi, à condition qu'ils fussent très secs. Le garçon interviewé affirma qu'en fait de sec, monsieur ne boirait jamais rien de meilleur qu'un certain extra dry Gold Star, dont la bouteille ne coûtait que 28 francs. Bimouillet acquiesça. 28 francs, poussière d'argent. Combien en fallait-il de secondes à Tautru, dans le palais d'en face, pour gagner 28 francs? 2, 3, rien ne va plus. La vie roule, ça y est, Tautru en poche. Cette évocation précise rappela brutalement Bimouillet au sentiment du devoir. Malédiction! L'horloge du grand café marquait 10h43. Depuis 10h30, d'après leur convention, il se pouvait que Tautru promenât à travers l'atrium ses moustaches hérissées et ses regards furibonds. Le coupable bondit, nu-tête, hors du restaurant, mais son zèle ne lui valut que d'être libéré de ses remords car il revint, toujours veuf de son compagnon, s'asseoir devant les 2 mignons berceaux de joncs tressés, d'où le chablis et le courton tendaient vers lui, gentiment, le col. Debout au milieu du seau à glace, l'extra dry dressait son chef orgueilleux coiffé d'une tiare d'or. Bimouillet sourit à toutes ces tentations charmantes. D'un geste inconsidéré, il essuya un des 3 verres disposés sur la table, le plus grand, et il goûta au chablis d'abord, puis au courton, puis au champagne. Les saveurs, en effet, pour des palais délicats, se font valoir l'une l'autre, et les papilles, comme l'esprit, aiment à passer du plaisant au sévère et réciproquement. Bimouillet buvait des 3 vins sans changer de verre. Il estimait déjà suffisamment fastidieuse et vexatoire la manœuvre des petits berceaux. Pourquoi troubler encore son plaisir d'une formalité supplémentaire? À mesure que le niveau du liquide s'abaissait dans les bouteilles, des brumes plus opaques ouataient le cerveau du comptable. Il avait complètement divorcé d'avec son passé. Il ne savait pas s'il avait jamais été comptable. Le présent n'existait pas davantage. Il vivait, éveillé, un songe formidable. Des cavales ailées l'emportaient vers des cimes, et en sens inverse de la randonnée merveilleuse, ce n'était que cataracte d'écu, qu'avalanche de billets bleus. Cependant, l'ivresse de Bimouillet n'était point contagieuse. Elle n'avait pas atteint les horloges de la principauté qui, 75 minutes exactement après la dernière visite de Bimouillet au casino, sonnèrent minuit. Le doux rêveur du grand café était trop loin des contingences pour que 12 tintements de bronze de la nuit suffisent à lui rappeler sa consigne. Les lois de l'amitié et l'existence d'un homme autru, actuellement proie aux démons du jeu, par dévouement pur aux intérêts de la communauté. Et voici que tout à coup, tragiquement drapé dans sa longue pèlerine, Tautru fut là, en chair et en os, devant la table encombrée ou bimouillée, le menton dans les mains et la face congestionnée, souriait à d'enchanteurs mirages. La statue du commandeur bouleversa moins Don Juan lorsqu'elle descendit de son socle que l'apparition inopinée de Tautru ne bouleversa l'extatique bimouillet. Écarquillant ses paupières alourdies par l'ivresse, il fit « Tiens, tiens, tiens, c'est toi ?» Et sa voix mal assurée montait le crescendo de la surprise à l'effroi. « C'est moi, » scanda Tautru d'un ton funèbre, « et c'est toi, ici, dans cet état. »« Bah oui, c'est moi, ici. J'avais faim. Alors, puisque tu ne sortais pas, puisque tu gagnais tout le temps, bah, j'ai dîné. T'as pas faim, toi, mon pauvre vieux? T'as pas soif ?» Tautru coupa sèchement. « Montre-moi l'addition. » Cette curiosité inquiète rendit à Bimouillet toute sa gaieté. « L'addition. C'est à cause de l'addition que tu me fais un nez pareil. » « Mais c'est rien du tout, l'addition, une fichaise, une ardoise d'enfant. Tremble pas, Tautru, des additions comme ça, maintenant, on pourra s'en offrir 10 par jour. » L'ardoise d'enfant s'élevait à 66,45 francs. « Dégoûtant, galapia, triple brute, assassin !» hurla Tautru au comble de la rage. « Tu appelles ça une fichaise? Ah, nous sommes propres. »« Propres ?» répéta Bimouille en écho. « Pourquoi ?» Parce que j'ai perdu, perdu, perdu, tu comprends, canaille, perdu. Et quand j'aurai réglé tes goinfreries, tes sales débauches, il ne restera 3 sous. J'ai encore 50 centimes et un timbre, risqua Bimouillet, qui n'était plus rouge mais blême comme une lune d'hiver. Tautru mit dans l'assiette exactement 66,45 francs, et ils sortirent du café sous les colibelles et huées. Le grand air restitua à Bimouillet un peu de son équilibre et de ses facultés de raisonnement. Il en profita pour tenter une défense. « En somme, tout ça, c'est de ta faute. Du moment que tu n'étais pas capable de gagner, il fallait sortir. C'était la consigne. Moi, je comprends que la consigne. » Tautru haussa les épaules et ne répondit pas. Sa dignité, la gravité des circonstances, lui interdisaient de se lancer dans de subtiles justifications que la mauvaise foi du méprisable Bimouillet n'eût sans doute pas admise. Et puis au fond, Tautru savait très bien qu'il avait commis sottise sur sottise, imprudence sur imprudence, en jouant des nombres au lieu de jouer les colonnes ou la couleur, et en augmentant ses mises après chaque nouvel échec, dans le vain espoir de s'en refaire. Épave d'humanité, plus courbée sous leur misère que le plus misérable des traînes savates, plus déchirée de regrets, plus rongée de désespoir et de colère que le folicard barbotant de la mer Égée à côté de ses ailes rompues, ils passèrent le reste de la nuit sur un banc dans la gare. Encore durent-ils payer 2 millions de supplications et de trémolos de détresse, la jouissance de ce gîte hasardeux, et attendre l'aube sous la surveillance des gendarmes ainsi que des criminels présumés. Ils ne quittèrent leur retraite que pour se rendre au service de la réexpédition des décavés. À demi-morts d'épuisement, ils espéraient, outre le prix de leur voyage de retour, l'aumône d'un peu de bronze. De quoi acheter au moins le droit de dormir dans un lit, ne fût-ce qu'une heure, et de dévorer un quignon de pain. Mais ils ignoraient les rigueurs du règlement. N'ayant point pénétré jusqu'au tapis vert, Bimouillet n'intéressait pas la pitié administrative et seul Tautru, joueur authentique et malheureux, méritait qu'on le rapatriât. Cependant, le récit de leur odyssée, la sincère naïveté de leurs aveux, le tableau à la fois navrant et cocasse qu'ils formaient côte à côte, firent fléchir le code inflexible. Au lieu d'un billet de seconde agrémenté de 2 louis, dont l'unique Tautru eut bénéficié, ils obtinrent d'être embarqués tous les deux en 3e dans le plus prochain train à destination de Paris. Quand ils montèrent en wagon, le piteux Bimouillet bégaya. « Cette fois, on va voyager 2 jours. »« Je m'en moque pas mal. J'en ai plein le dos de leur satané pays, » rugit Tautru, et par un acte de volonté réfléchi, afin d'infliger à la Côte d'Azur le pire des outrages, il s'abstint d'occuper aucune des places vacantes près des fenêtres. Il se fût plutôt crevé les yeux que d'accorder un regard aux fallacieuses séductions de cette terre maudite. Bimouillet l'imita, mais sans mesurer la portée vengeresse de son acte. Moralement et physiquement, il était bien trop écroulé pour ergoter avant d'agir. Faite de remords, de fatigue et de crampes d'estomac, sa veulerie confinait à l'idiotisme. Il ne cessait de geindre puérilement que pour jurer qu'il voulait mourir. D'autrui le considéraient tantôt avec courroux, tantôt avec mépris, et se gardaient de répondre, ce qui accroissait la désespérance de Bimouillet. Et les voyageurs, témoins de ces deux évidentes douleurs, l'une muette, l'autre exubérante, pensaient « Voilà deux pauvres bougres qui viennent d'enterrer quelqu'un. » D'autrui et Bimouillet revenaient d'enterrer de la même fosse un rêve de 25 années et une somme de 616 francs 75. Ils ne rapportaient de là-bas au cimetière ensoleillé que 13 sous, herbe amère et dérisoire du souvenir cueilli sur une tombe. « Eh bien, les Bénards, leur cria Abraham Sœur, lorsqu'ils réintégrèrent le bureau, leur congé expiré. « Qu'est-ce que vous en dites de la Riviera ?»« Oh, réputation très surfaite !» déclara Autru avec une moue dédaigneuse. Et dodelinant sa grosse tête, Bimouillet confirma. « Oui, très, très surfaite. » On n'en sut jamais plus long, sur leurs 15 jours de voyage, et toute la maison désormais les détesta, parce que c'étaient des crâneurs, qui se refusaient aux confidences, et parce que c'étaient des pingres, qui n'avait envoyé de carte postale à personne. Ainsi se termine le beau voyage de Pierre Thibault.